Chapitre 3e. Le lendemain à midi, heure à laquelle la plupart des cabaretiers du camp se voyaient condamnés à une oisiveté regrettable, le colonel II fit irruption dans la salle commune du Lingot d'Or. « Ils sont partis tous les deux, » dit-il en s'essuyant le front. Tous les deux répétèrent à l'unisson les 5 ou 6 mineurs qui se trouvaient réunis dans la buvette. « Oui, » répliqua le colonel. « Et le plus drôle de l'histoire, c'est qu'ils n'ont rien emporté. Pas ça, » ajouta-t-il en mordant l'ongle de son pouce. « Ma parole d'honneur, je n'ai jamais vu un pareil sauf qui peut. Personne ne sait où ils sont ni pourquoi ils ont filé. »« Faudra pas jurer que personne ne le sait, » dit un petit vieillard dont le verre restait à moitié plein, quoique ses compagnons eussent vidé les leurs depuis si longtemps qu'ils recommençaient à avoir soif. « Je ne le parierai toujours pas. Les agents de police ont passé la nuit chez moi. » « Il est heureux pour vous que nous n'ayons pas été prévenus, » répondit avec colère le colonel. « On aurait peut-être mis le feu à votre bicoque. »« Pourquoi donc ?» demanda le petit vieux en agitant son verre pour faire fondre le sucre. « Il n'y a pas de sot métier, ils se sont montrés très polis. »« Voyons, en quoi cela concerne-t-il Jim et le New-Yorkais ? Arrivez au fait, Belette. »« J'y arrive, colonel, » répliqua Belette, qui avala sans se presser une gorgée d'eau-de-vie. « Jim est venu voir les détectives. »« Jim ?» s'écria le colonel. « Oui, et il leur a dit qu'il connaissait l'individu que l'on cherche. Alors les agents lui ont offert les 1000 $ que vous avez refusés. »« Tonnerre !» s'écria le colonel. « Sur qui pourra-t-on compter dans ce monde ? Je n'aurais pas cru Jim capable de trahir son camarade pour 1 000 000. »« Attendez un peu. » Jim a déclaré qu'il leur ferait avaler les 1 000 $ s'il parlait encore de récompense. « À la bonne heure ! Hurrah pour Jim ! Avancez à l'ordre, garçon ! » « À la santé de celui qui croit à l'innocence de son ami, » dit le colonel. Puis, après avoir regardé pensivement au fond de son verre, il ajouta, comme s'il se parlait à lui-même, « On ne rencontre pas beaucoup de gens de sa trempe ici, ni ailleurs. » « Cela n'explique pas pourquoi le New-Yorkais a pris la poudre d'escampette, » reprit-il tout à coup. « mais si, » répliqua Belette, qui demeura les lèvres si serrées qu'il eût été difficile de deviner où se trouvait sa bouche. « Ah ça, parlerez-vous ? » s'écria le colonel. « Il faudrait un tire-bouchon à vapeur pour vous arracher 2 mots de suite. » Belette parut flattée de ce compliment. Il vit aussi que son interlocuteur commençait à se fâcher et jugea prudent de ne pas rendre nécessaire l'emploi d'un tire-bouchon quelconque. « Eh bien, colonel, c'est vous-même qui avez donné l'éveil. Un des agents s'est souvenu de votre remarque à propos des cheveux et de la barbe qui vous change un homme du tout au tout. » Il a découpé un trou dans une carte qu'il a posée sur la photographie et j'ai aussitôt reconnu le front, le nez, la bouche et les oreilles du New-Yorkais. « La bonne farce !» dit le colonel qui éclata de rire et lança son chapeau en l'air. « Le New-Yorkais lui-même est entré dans ma combuse tandis qu'on examinait son image. » Au théâtre, dans ces occasions, le traître se fait toujours pincer. Il ne s'est pas laissé démonter, lui. Il a passé ses doigts dans ses cheveux et a dit d'un air innocent. « Pour sûr, j'ai vu ce Mirliflore à Frisco il y a 15 jours. Seulement, je ne me rappelle pas son nom, si je l'ai jamais su. » Là-dessus, il est sorti sans se presser. « Remplis les verres, empoisonneur. Nous ne pouvons pas nous dispenser de boire à la santé d'un gaillard qui montre tant de sang-froid. » Chacun fit honneur au toast. Mais les buveurs étaient trop surpris pour déguster avec une attention sérieuse le liquide que l'empoisonneur leur avait versé. Bermude, qui, selon sa coutume, avait demandé du rhum, avala même quelques gorgées de vin de Madère avant de s'apercevoir de la méprise du cabaretier. Le colonel semblait avoir perdu son calme ordinaire. Il voyait poindre une foule de probabilités qui pouvaient donner lieu à des paris. Comme un pari est une affaire qui demande de la réflexion, et que les bruyantes hypothèses auxquelles se livraient ses compagnons le troublaient, il sortit afin de méditer à l'aise, mais il rentra au bout de quelques minutes en s'écriant « Voilà une dame qui nous arrive. » En un clin d'œil, les manches de chemise retroussées jusqu'au coude s'abattirent sur les poignets, les bas de pantalon furent déroulés, les cols boutonnés, les chapeaux époustés. Alors les buveurs franchirent un à un le seuil, cherchant à se donner l'air de gens qui se suivent par hasard, feinte qui n'aurait trompé aucun observateur avisé. Sur le sentier qui longeait la crique, ils aperçurent un monsieur d'une 50aine d'années, accompagné d'une jeune femme. L'un et l'autre étaient à cheval. La physionomie respectable et la mise du cavalier annonçaient clairement que ce n'était pas un mineur. On reconnaissait à première vue que la dame n'était ni une blanchisseuse ni une cuisinière, et qu'elle n'exerçait aucune des rares professions ouvertes à cette époque au sexe faible sur les bords du Pacifique. Tout cela, chacun le devina sans avoir besoin de consulter son voisin. Personne n'en devina davantage et l'on se contenta d'ouvrir de grands yeux. Lorsque le couple fut arrivé en face du groupe rassemblé près de la buvette, le cavalier, tirant de sa poche un objet noir, de forme oblongue, dit au mineur « Messieurs, nous sommes à la recherche d'un de nos amis, et nous avons suivi ses traces jusqu'à ce camp. Je crois que cela ne servira à rien de donner son nom, mais voici son daguerréotype. Quelqu'un d'entre vous se rappelle-t-il d'avoir vu cette personne-là ?» Tous les yeux se tournèrent vers le colonel II, que l'on paraissait considérer comme l'orateur attitré de Spanish Steak. Le colonel prit le portrait, et Belette, se glissant derrière lui, regarda par-dessus son épaule. Le chef du camp, après avoir jeté les yeux sur le portrait, le rendit brusquement à celui qui l'interrogeait, contempla la jeune dame, se mordit la moustache et parut embarrassé. « Il est venu ici, » dit-il enfin, « mais il est reparti. Où est-il allé, le savez-vous ? » demanda le cavalier, tandis qu'une expression de découragement se répandait sur les traits de la jeune femme. « Personne ne le sait, » répondit le colonel, qui, interprétant à sa manière la mission que Jim s'était imposée, s'empressa d'ajouter « Ne vous désolez pas, miss, il sera sans doute de retour avant peu, car il n'a rien emporté. » Soudain, la voix aigre de Belette se fit entendre. Les agents, une main vigoureusement appliquée sur la bouche de l'indiscret, l'empêcha d'achever la phrase commencée. « Il a un ami qui l'a suivi de près et qui ne manquera pas de le ramener, » reprit le colonel. « Un ami? Qui donc? Comment s'appelle-t-il ? » demanda la jeune femme dont la voix tremblait. « Ainsi que le disait votre père, pardon si je me trompe, les noms ne signifient pas grand-chose dans notre partie du monde. En tout cas, on peut se fier à cet ami-là, qu'il s'appelle ou non Jim Hoxson. » La jeune femme poussa un cri et elle serait tombée à la renverse si le colonel ne l'eût soutenue.